Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter, si vous le voulez bien, le calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 4 août. Le 4 août 1637, en France, suite à la révolte des croquants, le capitaine Buffarost, artisan du sabot, est exécuté solennellement à Montpensier. Il avait été livré par ses lieutenants en échange de leur vie sauve. Voyez comment on peut faire confiance à certaines classes sociales. Hein ? Ah oui, il ne faut pas négocier avec tout le monde, ou alors il faut avoir des sérieuses garanties, une monnaie d'échange solide. 1689, Canada. Dans la nuit, près de 1500 Indiens Iroquois attaquent le village de Lachine sur l'île de Montréal. Ils incendient les maisons, tuent une vingtaine de personnes et font 40 prisonniers. C'est une expédition punitive. En effet, l'année précédente, l'intendant de la colonie avait trahi la confiance des Indiens en faisant prisonnier leur chef et en envoyant 40 Indiens en France comme galériens. 1789, France, nuit du 4 août. Nuit du 4 août. Abolition des privilèges et d'une grande partie des droits féodaux. Mais en fait, ce n'est que le déplacement d'un certain nombre d'avantages de l'aristocratie à la bourgeoisie. Et oui, il y a un certain nombre d'aristocrates d'ailleurs qui avaient voté pour cette suppression des privilèges, l'abolition de l'esclavage, etc. Hein, donc ces gens-là avaient pris conscience du fait que le monde ne pouvait plus tourner comme avant, il fallait devenir raisonnable et faire les choses de façon un peu plus humaine. Hein. Bon, ça n'a pas suffi pour changer vraiment, vraiment le monde, mais c'était quand même un premier pas, surtout de la part de privilégiés. Hein. 1835, en France, trois projets de loi déposés par le gouvernement deviendront des lois de septembre, entre guillemets, lois de septembre. La plus importante concerne la presse. Elle augmente le cautionnement, rétablit la censure pour les dessins, frappe d'une amende de 10 000 francs toute offense à la personne du roi. C'est un coup dur pour la presse ouvrière naissante, presse ouvrière. Est-ce que Radio Guimauzo peut être considéré comme étant de la branche de la presse ouvrière, hein ? Qui sait ? 1908, France, après l'échec de la grève générale prévue pour le 3 août, le comité de grève des sablières de la Seine accepte les propositions de la compagnie. Journée de 10 heures. Repos hebdomadaire, 5 centimes d'augmentation par heure et quelques majorations pour le travail de nuit. 1909, Suède. Suite au lock-out répété des patrons, les syndicats décident la grève générale. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un pays tout entier est engagé dans une grève générale illimitée. Il y aura 300 000 grévistes, dont 100 000 non syndiqués. 1911, France. À Paris, meeting de protestation contre la guerre en présence des délégués allemands, anglais, hollandais et espagnols. Il était encore largement temps d'éviter la guerre de 14. Les syndicalistes faisaient tout leur pouvoir, tout leur possible pour éviter cette guerre. Ils sentaient bien qu'elle venait, hein, que certains avaient intérêt à ça et qu'il fallait les empêcher de le faire. 1914, Allemagne, la fraction social-démocrate du Reichstag, vote les crédits de guerre. Eh ouais, qu'est-ce que je disais ? Ce même jour, Rosa Luxembourg réunit chez elle ses amis, dont Karl Liebknecht. Ils fonderont le groupe Spartacus. En souvenir de Spartacus, celui qui avait soulevé les esclaves à Rome, en 70 avant Jésus-Christ, si je me souviens. 1914, Belgique, les armées allemandes envahissent le pays. Eh ben tiens, une sorte de répétition. Hein. 1914, France, les députés socialistes votent les crédits de guerre. Ben oui, eux aussi, ils ont fait comme les Allemands. Eh bien tiens, sur la tombe de Jean Jaurès, Léon Jouhaud, alors secrétaire de la CGT, déclare, deux points ouvrant les guillemets, acculés à la lutte pour repousser l'envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de civilisation et d'idéologie généreuse que nous a légué l'histoire. Notre volonté fut toujours d'agrandir les droits populaires, d'élargir le champ des libertés. C'est en harmonie avec cette volonté que nous répondons présent à l'ordre de mobilisation. et ils ne pouvaient plus guère faire autrement, encore que les Allemands, de leur côté, essayaient de freiner des cas de fer, d'empêcher la guerre. Enfin, les Allemands, les socialistes allemands, parce que les autres... La presse intensifie le bourrage de crâne. La guerre ne tue pas, dit-elle. Le Temps, grand quotidien bourgeois, écrit « Plus les armes se perfectionnent, plus le nombre des morts et des blessés diminue. » Eh oui, c'est ça, la presse de droite. Eh, on a beaucoup de presse de droite en France. On a très peu de presse de gauche. Très, très, très peu. 1914, Grande-Bretagne. Le pays entre dans la Première Guerre mondiale. Comme les autres pays, les travailleurs seront incapables de s'opposer à ce conflit qui fera éclater au grand jour la division du mouvement ouvrier entre patriotes, le Labour Party et les Unions et les pacifistes. Madagascar, 1943. Mort de Jean Riley Mongo. 1953, France. À l'appel de la CGT. Journée de protestation contre les décrets d'austérité Laniel. Laniel, 1953, tiens. 1970, Espagne. La convention collective du secteur de la construction est signée à Grenade. Un manœuvre touchera 178 pesetas. 1973, Madagascar. Une ordonnance sur les Fokolnolama, communauté territoriale de base, vise à leur restructuration locale et régionale. 1976, Afrique du Sud. Les émeutes à Soweto reprennent. Des milliers de collégiens réclament la libération des personnes arrêtées lors des événements de juin. 1977, Soudan. Annonce d'une amnistie générale pour les prisonniers politiques dans la ligne d'une politique de reconstitution de l'Union nationale. 1980, France. À Boulogne-sur-Mer, l'ensemble des chalutiers reste à quai. Un conflit qui dure depuis une dizaine de jours oppose les armateurs aux marins-pêcheurs salariés. Ceux-ci refusent la baisse du pouvoir d'achat et la réduction des équipages. 1980, France. Le tribunal de commerce de Besançon accepte de rendre la marque LIP à la coopérative des industries de Palante. 1982, France. Promulgation de la loi sur les libertés des travailleurs dans l'entreprise. 1982. C'était un bon début. Il aurait fallu que ça continue. 1984, Israël. À Oum el-Faram, deuxième ville arabe du pays, 15 000 juifs et arabes manifestent contre les projets racistes du rabbin Kahane qui veut ouvrir un bureau d'émigration pour les arabes. Le 5 août 1842, en Grande-Bretagne, les ouvriers d'Ashton, donnent le coup d'envoi d'une grève qui va faire tache d'huile. Ils inspectent les usines, font la chasse aux jaunes. Les jaunes, vous savez ce que c'est les jaunes? Eh bien oui, il faut faire la chasse aux jaunes. Ah oui, une chasse impitoyable. Se défendent à coups de pierre contre l'armée qui tire sur eux. 1848, Irlande. Le mouvement national de la jeune Irlande de Mitchell et Smith est écrasé. 1895, Grande-Bretagne. À Londres, mort de Friedrich Engels. 1820-1895. Philosophe, ami et collaborateur de Karl Marx. 1911, Grande-Bretagne. Grève de 1200 ouvriers des chemins de fer de Yorkshire et du Lancashire à Liverpool. D'autres cheminots, notamment de Londres et du Nord-Ouest, se joignent à eux malgré l'appel à la conciliation des responsables syndicaux. 1929, Grande-Bretagne. Des lois apportent aux travailleurs une garantie contre le risque de maladie et de la vieillesse. 1935, France. Les ouvriers des arsenaux de Brest et de Toulon manifestent à cause de la politique d'austérité de Laval. La paye a été diminuée de 10%. 1940, Lettonie. Vous voyez Laval, déjà en 1935, hein ? Eh ben oui. 1940, Lettonie. Le pays devient le Latvijska SRR. Alors, Sovietiskaya, Republikaya, je ne sais pas quoi. 1955, Japon, à Hiroshima, congrès international sur l'interdiction des bombes A et H, en 1955. 1960, Haute-Volta, le pays accède à l'indépendance. 1963, URSS, le traité de Moscou interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. La France et la Chine ne signent pas. 1978, Nicaragua, environ 30 000 personnes fêtent le retour au Nicaragua des 12 qui avaient pris ouvertement position contre la dictature et avaient été obligés de fuir le pays. 1981, USA, les 12 000 contrôleurs aériens en grève sont licenciés par le président Reagan suite à l'expiration de l'ultimatum qu'il leur avait adressé. Pas de nouvelles armes nucléaires avant d'avoir épuisé toutes les anciennes. Inscription relevée sur l'autoroute de Francfort. Francfort, si vous préférez. Le 6 août, 6 août, ben c'est aujourd'hui, 1825, Bolivie. Le congrès de Chuquisaca proclame l'indépendance du Haut-Pérou, qui devient la Bolivie. Simon Bolivar en sera le premier président. 1835, Espagne. La fabrique de tissus El Vapor est incendiée à Barcelone. 1870, France. Près de Wörth, en Alsace, l'armée française est battue par les armées allemandes. Des dizaines de milliers de morts de part et d'autre. Cette bataille, connue d'habitude sous le nom de Reichshofen, village d'où fut expédié le télégramme de la défaite à Paris, est une des nombreuses défaites qui jalonnent la route vers la chute de Napoléon III, le siège de Paris et l'instauration de la Commune. 1896, Madagascar, l'île devient colonie française. 1930, Vietnam. 200 000 paysans révoltés envahissent Nam Dan. Cette agitation, qui exprime une colère longuement contenue, s'attaque aux symboles de l'autorité traditionnelle et coloniale. Les bureaux et la régie des alcools sont dévastés. La police est débordée. Les mandarins qui n'ont pu fuir sont obligés d'approuver l'action des paysans. 1935, France. Manifestation à Brest. Des heurts avec la police font une centaine de blessés. Un ouvrier, père de 5 enfants, décède le soir. 1937, pardon, Espagne, lettre collective des évêques espagnols aux évêques du monde entier pour leur expliquer les raisons du soulèvement franquiste et condamner la révolution communiste. Ah, une fois encore, une fois de plus, les évêques, l'Église catholique s'étaient trompés de camp, en contradiction formelle avec les textes qui prétendaient servir. 1942, Belgique, travail forcé des ouvriers belges en Allemagne. 1945, Japon. Les États-Unis lâchent une première bombe atomique sur Hiroshima. 200 000 morts sur 250 000 habitants. Cette bombe accélère la fin de la guerre, mais inaugure aussi la course aux armements nucléaires. Einstein, apprenant l'explosion d'Hiroshima, reste silencieux quelques instants, puis prononce ces mots inattendus. Les vieux Chinois avaient raison, on ne peut rien faire. 1946, France, loi sur les prestations sociales. 1953, France, début d'une grève illimitée au PTT. PTT, pour les jeunes, c'est poste, télégraphe, téléphone. 1954, Japon, constitution de l'Association nationale pour une campagne d'interdiction des expériences des bombes atomiques et à hydrogène. 1964, Vatican, l'encyclique Ecclesiam Suam de Paul VI. L'Église se dit prête au dialogue. Elle se disait prête au dialogue en 1964, donc l'Église. Oh, est-ce qu'elle a beaucoup dialogué depuis ? 1981, USA, le président Reagan décide la production en série et le stockage sur les territoires américains d'environ 200 bombes à neutrons. Vous savez, la bombe miraculeuse, la bombe qui tue le personnel sans tuer le matériel. Hein ? Ça neutralise les soldats qui sont dans les avions, les chars, les camions, les automitrailleuses, etc. Et ça laisse intact le matériel. Oh, c'est une bombe rentable, absolument rentable, qui rend la guerre encore plus rentable. 1984, Vatican, signature par le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation romaine pour la doctrine de la foi, de documents qui sera publié le 30 août par le journal brésilien O Globo sur quelques aspects de la théologie de la libération. C'est le début d'une vaste opération contre les théologiens de la libération qui essayent de vivre et de rendre compte de leur foi au cœur des luttes des peuples d'Amérique latine, au cœur des luttes des peuples d'Amérique. La première bombe atomique est tombée hier sur le Japon, le 6 août 1945. L'armée américaine lâche la nouvelle bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. Récit d'un chaos sans précédent. À la une de ce soir, le 8 août 1945, deux points ouvrons les guillemets, les États-Unis seraient sur le point d'adresser un ultimatum au Japon, offrant à ce dernier le choix entre une reddition dans les 48 heures et l'anéantissement par bombe atomique. La première bombe atomique est tombée hier sur le Japon. Cette révélation faite à la Maison-Blanche par le président Truman annonce l'ouverture d'une phase entièrement nouvelle dans la conduite de la guerre contre le Japon. Cet engin a été lancé sur la ville de Hiroshima, dont les habitants avaient été préalablement prévenus par tract d'avoir à évacuer leur domicile. À 8h20 du matin, heure nippone, la bombe a été lâchée au-dessus de son objectif. Mais jusqu'à présent, les Nippons n'ont fait aucun communiqué concernant les destructions qui ont suivi. Aucun témoignage direct sur le bombardement du côté américain non plus, à défaut d'informations sur les dégâts occasionnés au Japon. Ce soir, donc le journal de tout à l'heure, indique à titre d'exemple, on précise aujourd'hui que le navire qui, en juin 1917, avait fait explosion dans le port de Halifax, tuant 1500 personnes et détruisant plus de 7 km² de la ville, transportait 3000 tonnes d'explosifs, c'est-à-dire l'équivalent du septième de la puissance de la bombe atomique. Et de faire le tour de cette actualité bouillonnante qui s'affiche en une dans les journaux alliés. Les journaux américains consacrent la presque totalité de leur colonne aux nouvelles concernant la bombe atomique. Le New York Herald Tribune s'attache surtout à l'importance scientifique de l'invention. de l'invention, pas de l'intervention, de l'invention. C'est aussi ce que retient le journal anglais du Yorkshire Post, pour qui la guerre a stimulé les recherches scientifiques dans un but de destruction. Nous contemplons le résultat de ces recherches avec un sentiment de fierté mêlé de crainte. Encore heureux. Les informations sont d'autant plus attendues et imprévisibles que le projet est resté confidentiel. Les ouvriers de l'usine secrète américaine ignoraient tout de ce qu'ils construisaient. Les ouvriers de l'usine géante, dont l'existence était tenue jusqu'ici dans le plus grand secret et qui fabriquent la bombe atomique, n'ont jamais été conscients de la nature du travail auquel ils étaient affectés. Le mélange du nouvel explosif était en effet obtenu par la manœuvre de cadrans automatiques actionnés derrière des murs de ciment d'une épaisseur énorme. Le lendemain, ce soir publie le premier récit de la disparition de Hiroshima. Le colonel Paul Warfield Tibbets, pilote de la forteresse volante qui a lâché la bombe, a rendu son rapport à ses supérieurs. « Nous n'avions rencontré aucune opposition de la part de l'ennemi », raconte le colonel Tibbets. « La visibilité était excellente et nous avons lancé la bombe sans nous servir de nos instruments de bord à 9h15 exactement. » Le capitaine Parsons, le premier bombardier, Thomas Fareb et moi-même étions les seuls membres de l'équipage à savoir quel genre de bombe nous transportions. Les autres savaient seulement qu'il s'agissait d'une arme nouvelle. Alors qu'en 1874, le travail de nuit est interdit pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans. La loi Pénicaud permet aux branches de décider de faire travailler les mineurs jusqu'à 40 heures par semaine, dans le bâtiment, de nuit. La politique de Macron est un retour en marche arrière. Retour en marche arrière. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans? Qu'on voit cheminer seuls, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement de la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux, qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur! La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien, leur destin est là. Ils semblent dire adieu. Petit homme, petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on se demande, que va-t-il, où va-t-il, que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haïdé et mère, soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Victor Hugo, Les Contemplations. Voyez, ce gouvernement est en train de nous faire revenir en 1874, ou presque, progressivement. Ou brutalement. C'est selon, on verra. Au mois de septembre, tout le monde va se réveiller. Et il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont graisser des dents. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, d'autres petites choses comme ça en passant, des choses qui ont été écrites sur les murs à un moment ou à un autre. Je suis laïque. Je respecte ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent. L'État chez lui, l'Église chez elle. Et c'est signé, encore une fois, Victor Hugo. Voilà. Alors, on voit une arène où des gens se cognent dessus. Des blancs, des noirs, des jaunes, des vieux, des jeunes, etc. Alors, dans les tribunes, on voit des gens qui disent « J'adore les combats de pauvres ». Ben oui, les pauvres se traitent d'assistés, de fonctionnaires, de nantis, etc. Pendant ce temps-là, les vrais nantis, eux, ils rigolent. Eh oui. Tous les jours, la télé lave les cerveaux. Tous les jours, la télé lave les cerveaux. Ouais. Si vous avez un problème et que vous comptez sur la classe politique pour le résoudre à votre place, eh bien, vous avez deux problèmes. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Signé Albert Einstein. Alors, l'observateur, alors là, il s'agit d'une photo où l'on voit des policiers, dont un en civil, qui tabasse un homme à terre. Alors, ça pourrait être le Benalla, vous savez, celui qui fait ça en France. Mais non, c'est en Turquie que ça se passe. Vous voyez, finalement, entre la dictature turque et la encore un peu République française, ça commence à bien se ressembler. Le syndrome du larbin. Alors, le syndrome du larbin est un comportement psychopathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Le larbin, il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts, au profit de ceux qui l'exploitent. Alors, pour l'instant, je ne donnerai pas de nom. Hein, mais un jour, ça se pourrait qu'on fasse une liste. Hein ? Oui, il n'y a pas besoin qu'elle soit très longue pour être parlante. La liste en question. Alors, les conquêtes sociales de la France. En 1864, droit de grève. 1884, droit syndical. 1887, première bourse du travail. 1910, journée de travail de 10 heures, retraite à 65 ans. 1919, journée de travail de 8 heures, semaine de 48 heures. 1928, assurance maladie. 1936, délégué du personnel, congé payé, 15 jours, semaine de 40 heures, convention collective. 1945, comité d'entreprise, sécurité sociale. 1946, statut de la fonction publique, généralisation de la médecine du travail. 1950, salaire minimum interprofessionnel garanti, c'était le SMIG, S-M-I-G, qu'on a transformé ensuite en S-M-I-C. On avait juste changé une partie de la dernière lettre. Hein. Oui, c'était plus garanti, c'était de croissance, ce qui est plutôt creux comme promesse. 1956, troisième semaine de congé payé. 1958, assurance chômage. 1969, quatrième semaine de congé payé. 1971, formation professionnelle continue. 1975, assurance vieillesse pour tous. 1982, cinquième semaine de congé payé. Semaine de 39 heures. 1983, retraite à 60 ans. 1998, semaine de 35 heures. 1998, j'ai bien lu, j'ai cru que je m'étais trompé. Alors, autre petite chose, comme ça, en passant, un peu vite, c'est drôle de voir des gens qui ont colonisé toute la Terre se plaindre de voir des migrants débarquer chez eux. La France a colonisé une partie de l'Asie, une partie de l'Amérique et une grande partie de l'Afrique. Et maintenant, les Français se plaignent de voir arriver des émigrés chez eux. Et oui, peut-être que entre les causes et les conséquences, il y aurait des liens à établir. L'évasion fiscale, c'est 7% de notre PIB, de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit en France, c'est le PIB, et l'évasion fiscale représente 7% de ce total. Si tout le monde payait ses impôts, nous aurions un déficit budgétaire à zéro. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Autre chose, les non-dits de l'histoire. Le 27 mai 2017, le bilan de Fidel Castro à Cuba. Seul pays de l'Amérique latine sans malnutrition infantile. UNICEF. a été déclaré paradis international de l'enfance, UNICEF. Le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique, OMS et UNICEF. OMS, Organisation Mondiale de la Santé. 130 000 diplômés en médecine depuis 1961, OMS. Tiens, il faudrait bien nous envoyer quelques médecins, peut-être que, puisqu'il paraît qu'on en manque. Hein ? Il paraît qu'on n'en a pas formé suffisamment. Pourquoi donc ? 10 élèves par enseignant. 200 millions d'enfants dorment dans la rue dans le monde entier. Aucun enfant ne dort dans la rue à Cuba. Développement de 4 types de vaccins contre le cancer. Système de santé. Un exemple pour le monde entier, OMS. 54% du budget de l'État est affecté aux services sociaux. Cuba multiplie par 100 les dons de l'Espagne à la lutte contre Ebola. Cuba a envoyé 796 médecins et infirmières au Liberia et en Guinée. Le meilleur système d'éducation en Amérique latine. Le plus grand contributeur du PIB à l'éducation. L'un des taux de développement humain les plus élevés. C'est l'ONU qui déclare ça. Premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Premier pays à éradiquer la poliomyélite. Pays ayant le plus bas taux de criminalité des Amériques. Tout cela avec un embargo de plus de 50 ans. Avec Castro, Cuba est resté debout et digne en dépit des privations consécutives à cet embargo injustifié. La dette est une construction artificielle, créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire honte à eux. Signé Michel Rocard, vous vous souvenez de Michel Rocard, Premier ministre socialiste, ancien secrétaire national du PSU, quand il y avait un PSU. 1921, Benito Mussolini a créé les chemises noires. La même année, Hitler fait de même les chemises brunes. 2017, Macron renouvelle l'opération avec la création de sa propre milice politique. Nous n'en parlons plus de monarchie présidentielle, mais bien du renouveau du fascisme à la française. Combien de Benalla et consorts se baladent dans nos rues et nos manifestations ? En forêt, de vallons en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe,

parodie, une mascarade. Les critiques pleuvent pour dénoncer le fonctionnement de la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'affaire Benalla. L'opposition a décidé de jeter l'éponge, on en parle en début de ce journal. On en parlera également avec Philippe Bas, le président LR de la commission des lois du Sénat. Ce que la tempête fait rage à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron lui évoque une tempête dans un verre d'eau. En déplacement en Espagne, le chef de l'État persiste et signe cette polémique n'a pas lieu d'être. C'est ce que nous verrons avec Antoine Estève qui suit son déplacement pour CNews. Et décidément, rien ne va plus à l'Assemblée nationale. Après 4 jours d'audition houleuse, l'opposition claque la porte de la commission d'enquête. Guillaume Larrivé, co-rapporteur, les Républicains de cette instance, dénonce une parodie. Le récit de Florian Tardif. L'Assemblée nationale à l'épreuve des courants d'air. Depuis hier soir, les députés de l'opposition claquent la porte de la commission d'enquête les uns après les autres. La commission, oui, aujourd'hui, est un échec total parce qu'elle est bridée, parce qu'elle n'est pas libre, parce qu'elle est entravée dans son fonctionnement. Le départ de Guillaume Larrivé, co-rapporteur de cette commission, n'a fait qu'enclencher le processus. À gauche comme à droite, l'on parle d'une même voix et dénonce le verrouillage de la commission d'enquête de la part de La République En Marche. Un fait inédit depuis le début du quinquennat Macron. Donc nous continuons à dire qu'il peut y avoir une autorité hiérarchique supérieure qui vient de l'Élysée et qui est tout le nœud du problème. Le fait qu'on ne puisse pas les auditionner, vous voyez bien que quelque part tout ça, c'est une façon de bloquer le débat. Au Sénat, c'est pas le cas. Ici, c'est le cas. Il faut donc interroger la majorité d'En Marche qui le permet, qui protège ainsi l'Élysée. Au cœur de ces tensions, Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois qui devait composer jusqu'alors avec cette opposition déchaînée et une majorité à cran. Je pense qu'elle est aux ordres directs, clairement aujourd'hui, de l'Élysée, car il ne peut pas en être autrement. Décidée à pousser la majorité jusque dans ses retranchements, les Républicains ont déposé une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Un texte qui a peu de chances d'aboutir au vu de la très large majorité LREM Modem, mais que les autres groupes parlementaires de l'opposition sont enclins à signer. Un message fort envoyé au pouvoir exécutif, signe que la tempête Benalla n'est pas encore passée. Voilà, cette motion de censure des Républicains doit être débattue ce mardi à 15h dans l'hémicycle. L'opposition de gauche envisage elle aussi de déposer sa propre motion. Elle pourrait être débattue en même temps, mais avec un vote séparé. Écoutez justement sur ce sujet Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Le groupe La France Insoumise a pris la décision de voter pour la motion de censure des Républicains. Mais en même temps, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, nous avions sollicité le groupe Nouvelle Gauche et le groupe GDR pour qu'ils co-signent ensemble avec nous une motion de censure commune. Et ce soir, nous avons eu la bonne nouvelle que le groupe Nouvelle Gauche, les socialistes, étaient d'accord pour signer une motion de censure. Et à noter enfin qu'à 11h, cette commission d'enquête de l'Assemblée va procéder à sa toute dernière audition, celle de Pierre Leleu, commandant d'unité de la CRS 15 de Béthune. Ses équipes étaient sur la place de la Contrescarpe lors des manifestations du 1er mai dernier. Une tempête dans un verre d'eau, voilà comment Emmanuel Macron qualifie toute cette affaire depuis Madrid. Sur place, on va retrouver Antoine Estève qui suit pour nous le président de la République. Antoine, le chef de l'État tente de minimiser et il parie sur l'indifférence populaire. Oui, effectivement, et comme le résumait un journaliste espagnol hier soir, pour vous donner un petit peu l'air du temps ici à Madrid, il affirmait, eh bien, quand on vient dans un pays étranger pour déminer une situation comme celle-ci, on essaye d'être à l'heure, et ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Il a eu 1h40 de retard hier soir, sa délégation, sur le protocole officiel ici à Madrid. Évidemment, ça grinçait des dents au palais de la Moncloa, autant du côté des officiels que du côté des journalistes. Emmanuel Macron, qui est revenu sur cette affaire Alexandre Benalla lors de la conférence de presse suite à une question française cette fois-ci, il a encore une fois affirmé, vous le disiez, que c'était une tempête dans un verre d'eau, que les services de l'Élysée avaient fait le nécessaire en temps et en heure. Emmanuel Macron qui a donc tenté de déminer cette situation explosive avant de partir au Portugal aujourd'hui. Il s'est aussi exprimé sur la motion de censure dont vous parliez il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter lors de cette conférence de presse à Madrid. Elle fera l'objet d'un vote la semaine prochaine. C'est ce vote qui en donnera l'issue, mais la réalité des forces politiques et l'arithmétique politique à l'Assemblée nationale ne doit pas nous conduire à envisager que cette motion de censure puisse conduire à sanctionner le gouvernement d'Édouard Philippe. Emmanuel Macron qui va se rendre aujourd'hui au Portugal et qui était ici quand même en Espagne dans un pays, eh bien lui aussi confronté à une crise politique grave en ce moment, car le Premier ministre espagnol qu'il a rencontré hier soir doit lui aussi affronter, sans doute la semaine prochaine, une motion de censure de son côté. Coup de tonnerre à l'Assemblée, Guillaume Larrivé, le co-rapporteur de la Commission, a annoncé suspendre sa participation aux travaux. L'opposition claque la porte également, elle dénonce une mascarade. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République, j'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise. Alexandre Benalla s'exprime pour la première fois depuis le début de l'affaire. Pas devant les députés, mais devant les journalistes. Alexandre Benalla a choisi le journal Le Monde pour se livrer sur sa grosse bêtise, sa faute qui n'est pas une trahison, dit-il. Faute avouée à moitié pardonnée, pas sûr. Un mot déjà sur la stratégie, le choix de la presse écrite du journal Le Monde, c'est certainement pas anodin, hein, Jeannick Halimi. Ben non, vu que c'est Le Monde et Ariane Chemin notamment, hein, qui a révélé cette affaire la semaine dernière. Donc parler de l'endroit d'où le scandale est parti de la part du principal acteur de ce scandale, moi je trouve que c'est très bien vu, c'est très bien fait. Au bout d'une semaine, pourquoi pas. D'autant plus que ce Benalla est resté totalement virtuel pour la plupart des Français que nous sommes. Hein. On le voit en photo, on le voit à la télévision, on parle de lui. Là, cette interview a l'avantage, en tout cas en termes de connaissances, je ne sais pas quel fruit va pouvoir en retirer M. Benalla, mais en termes de connaissances du dossier, si je puis dire, avoir une connaissance par les propos même du cheval, si je puis dire, de Benalla, ça l'incarne. Et c'est vrai que ça l'incarne, et je trouve que c'est intéressant, rien que de ce point de vue-là. Sur le fond, on verra. Sur le fond, on verra, mais sur le choix du journal Le Monde, qui est réputé quand même sérieux, on a tellement dit de choses sur Benalla cette semaine qu'on aurait pu l'imaginer dans Gala ou dans Paris Match, que je ne dénigre pas, hein, loin de là, mais Le Monde, c'est le journal dit de référence, parce qu'à la chaîne, vous êtes d'accord avec moi, ça assoit une sorte de sérieux de son témoignage. Bien sûr, et d'ailleurs, on voit bien que c'est ce qu'il a cherché à faire, et c'est plutôt réussi d'ailleurs. On avait une image un peu caricaturale du gorille, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un de structuré, qui s'est exposé ses arguments, les déroulés, qui se démonte pas. Bon, visiblement, c'est quelqu'un de très ambitieux, hein, c'est une espèce de Rastignac moderne, mais je trouve qu'il se tire très bien de cette interview. Même si après, on peut avoir des doutes sur tel ou tel point. Mais en tout cas, il a l'air sincère, quoi. Il a l'air sincère, et effectivement, comme dit Jeannick, on peut maintenant lui donner un visage. Félix Raymond-Colonna, vous êtes communicant, alors vous avez forcément le regard de l'expert sur cette stratégie. Alors écoutez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'exprime après Emmanuel Macron. Ça m'a un petit peu étonné, à vrai dire. Et dans une dans un registre peut-être qui est assez offensif. Vous avez vu aussi les photos de l'article, que ça soit dans le Monde, la presse écrite, ou bien sur le site internet, où vraiment on a une figure comme ça assez imposante. Il a rasé sa barbe. Voilà, il a rasé sa barbe, mais on est quand même dans une posture assez imposante et offensive, et voilà, et du coup on peut-être que ça sonne une nouvelle étape voilà dans la stratégie peut-être du clan Macron pour vraiment pas se laisser faire et être très offensif. Alors je suis l'extraterrestre, dit-il, où j'étais, hein, puisqu'il est plus à l'Élysée de cette cour, parce qu'il parle aussi de cour autour d'Emmanuel Macron, il parle de jalousie sur le fond, l'axe de défense. Jean-Sébastien Ferjou, vous avez bu ces paroles? Je les ai lues en tout cas. Moi, je pense que l'interview, elle est très bien menée de la part d'Alexandre Benalla, effectivement, très bien encadrée aussi, puisque Le Monde nous précise que Marc Francelet, un communicant à la réputation sulfureuse, parfois était présent, ouais, ainsi que Mimi Marchand, la fameuse grande prêtresse de la presse People, qui gérerait l'image des Macron. Elle n'était pas présente. Pour eux. Non, mais ils disent que... Elle est passée faire une photo aujourd'hui. Alors, Pascal Richet. Sur les coulisses. Elle dit, après on n'est pas obligé de la croire, mais elle dit qu'elle est venue chercher des clés pour une maison à Biarritz, ou rendre des clés, enfin une tout histoire. Tout le monde a avec, des clés, tout le monde. Alors, avec Marc Benalla, il a les clés de la maison du Touquet de Emmanuel Macron. Apparemment, ça a été démenti. Bon. D'accord. Non, parce que lui-même en parle, mais. C'est Marc Francelet qui a organisé l'interview. C'est Marc Francelet qui a organisé l'interview. Effectivement. Mais sur le fond de sa défense, il est dans une défense personnelle, c'est-à-dire, pour lui, il dit que d'un point de vue juridique, il n'a pas commis de faute. a commis une faute politique. Son argument étant de dire « je n'ai fait qu'intervenir, ce qui est permis en droit français, puisque je voyais des gens se livrer à des délits sur la voie publique, et on a le droit d'interpeller quelqu'un en train de le faire. En revanche, je n'aurais pas dû le faire parce que j'étais collaborateur du président de la République, et c'était une faute politique. » Maintenant, on voit qu'il y a une contre-offensive, effectivement, du clan Macron, dont il est resté proche. Il le dit, à un moment, le président lui a dit « tu as commis une grave erreur, mais j'ai toujours confiance en toi. » Ça n'empêche pas qu'il balance sur la préfecture de police. Il accuse très clairement le directeur de l'ordre public d'avoir menti. Il dit très clairement que ça n'est pas lui qui a demandé à être observateur, mais qu'on lui a proposé de l'aide. Et puis on pourrait continuer quelques arguments comme ça, mais globalement, ce qu'il explique, c'est qu'on a voulu, à travers lui, atteindre le président de la République parce qu'il était le maillon faible, ce qui est assez habile de sa part. Il dit « je n'ai jamais été sous-préfet, contrairement à l'ensemble des autres chargés de mission à l'Élysée, on en veut à mon parcours atypique ». Ce qui est une manière, c'est certainement vrai, mais c'est une manière très habile de résumer la réalité, parce que ce qui se joue au-delà de ce qui s'est passé le 1er mai sur la place de la Contrescarpe, c'est le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est ça le cœur de l'affaire Benalla. C'est le mode de gouvernement commando. Il a gagné l'élection présidentielle en mode commando, il s'est mis à gouverner à l'Élysée en mode commando, et là, ce à quoi nous assistons, c'est l'État qui se cabre contre ce style de gouvernement. Mais à ça, ni Alexandre Benalla ne répond, ni en l'État, le président de la République. Je pose, Annick Halimi, vous aviez envie de préciser quelque chose. Oui, absolument. C'est le positionnement, effectivement, à travers cette interview de M. Benalla par rapport à Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, on l'a dit, il semble tout à fait dans la sphère Macron, il reste tout à fait dans la Macronie pour toutes les raisons qu'on vient de dire, et notamment les propos qu'on a rapportés dans cette interview, mettant à l'écart de toute responsabilité Emmanuel Macron. Tout de même, juste deux points, non pas tout de même, mais pour conforter. Après, à l'Élysée, il y a quelques jours, lorsqu'Emmanuel Macron a fait cette fameuse intervention à la Maison de l'Amérique latine, en disant c'est moi le responsable devant les élus, La République en marche, en disant c'est cette moi le responsable. Cette opération de communication. C'est moi le responsable qui viennent me chercher en espérant couper, tuer dans l'œuf, non pas toute enquête, toute poursuite d'enquête, mais enfin, la crainte que nourrissait l'Élysée, l'entourage de Macron, la crainte qu'il nourrissait, malgré les paroles de confiance réitérées du président vis-à-vis de M. Benalla, c'est que M. Benalla puisse éventuellement sortir des éléments qui aillent à l'encontre, qui rajoutent... C'est-à-dire qu'il puisse se sentir... Parce que comme il dit qu'il a été humilié, il aurait pu peut-être aussi balancer, quoi. Balancer, quoi on n'en sait rien, mais quand même, Emmanuel Macron, même si... Il balance un peu, c'est important. Et là où je dis qu'effectivement, il continue dans la ligne Macron, et je pense que Macron, en tout cas à l'heure qu'il est, après cette interview, Emmanuel Macron peut être rassuré, c'est parce que tout ce que les institutions ou les hommes que mettent en cause M. Benalla dans son interview, c'est notamment des cadres de la police. De la police, bien sûr, le préfet de police. Mais quelle est la stratégie ? Ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, mais il met un bémol C'est plutôt le directeur de cabinet. Le directeur. Parce qu'on l'interroge sur le chef de cabinet et sur le directeur de cabinet. Et il dit le chef de cabinet, c'est quelqu'un de bien. Mais il ne dit pas le directeur de cabinet. Bien sûr. Voilà. Mais il charge énormément la police. Alors, le préfet de police, le directeur de cabinet, monsieur Gibelin, directeur de la circulation, etc. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'il rejoint totalement la stratégie La République En Marche, notamment à travers la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et de Madame Braun-Pivet. D'aller chercher là-bas et pas d'aller chercher dans les cabinets. Ils n'ont de cesse de vouloir dire que cette affaire et que les responsabilités ressortent à certains éléments de la police, et c'est exactement ou à peu près exactement, si je puis dire, ce que dit M. Benalla. Comme on dit, Félix Raymond Colonna. Dans cette interview du Monde, on se rend bien compte qu'Alexandre Benalla est quand même une forte personnalité qui compte pas du coup prendre l'ensemble de la responsabilité pour cette affaire. Je pense aussi qu'il doit certainement penser à son procès à venir et voilà, il a pas envie d'être uniquement celui qui va trinquer. D'ailleurs, aucun des protagonistes qu'on a entendu dans la commission d'enquête ne veut jouer non plus ce rôle-là. Donc on est vraiment quelle est l'alternative? S'il n'y a personne pour prendre la responsabilité, c'est vraiment de se battre et du coup de se battre jusqu'au bout et d'être très offensif. Un petit détail quand même dans cette une réponse, une question qui peut paraître anecdotique, celle du bus des Bleus. Vous avez forcément lu ça. Il dit qu'il était là malgré sa rétrogradation. Il dit c'est pas lui qui a fait accélérer le bus. Bon, ça c'est pour l'anecdote parce que il y avait cette question. Mais par contre, il dit je ne m'occupe pas des bagages des joueurs. Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que Christophe Castaner, qui est quand même venu, la fadaise de Christophe Castaner, venu à l'antenne sur plusieurs médias nous expliquer que finalement il ne servait plus à grand chose, mais sauf qu'il était devenu bagagiste avec peut-être un peu de mépris dans la voix. Là, ça montre quand même que Castaner a menti. Et on dit souvent que la majorité ment depuis le début. En tout cas, certains l'ont dit. Il faisait de l'humour de façon désinvolte et à mon avis totalement déplacé. Moi je pense simplement c'est une prise de parole qui n'est pas contrôlée à la base et l'ensemble du camp Macron s'est quand même tenu. Voilà, il y a eu cette petite fadaise de Monsieur Castaner, il est blessé par cette phrase qui est en fait insultante. Et il dit même dans sa réponse, il dit je suis le seul à l'Élysée, j'étais le seul à savoir faire ça, à organiser un truc comme ça. Enfin, je sais plus quelle est sa réponse exacte, mais en gros il dit voilà j'ai une compétence et il aimerait qu'on reconnaisse cette compétence. Et c'est vrai que Castaner avec cette phrase. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement déplacé, voire. Ce qui est étonnant, finalement, c'est qu'il y a deux personnes qui ont été efficaces dans leur réponse. Il y a eu Édouard Philippe à l'Assemblée nationale face à Jean-Luc Mélenchon dans sa tirade, puisque Jean-Luc Mélenchon lui demandait de la vertu. Édouard Philippe lui a rétorqué qu'on savait dans notre histoire, en faisant référence à la Révolution française, où les exigences de vertu avaient pu nous mener. Et puis, Alexandre Benalla, parce que quand on lit l'interview d'Alexandre Benalla, on comprend humainement comment le système s'est mis en place. Ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est l'attitude d'autres responsables de la majorité, ou même du président de la République, qui ne cesse de remettre une pièce dans la machine, plutôt que de faire son mea culpa une fois pour toutes en disant « j'ai commis une erreur de jugement, ça n'est pas le fait que j'ai confié des responsabilités à quelqu'un sur un domaine ayant trait à ma sécurité qui est en cause, ça n'est même pas la nature de la sanction qui est en cause elle-même, parce que ça on peut en discuter finalement à l'infini, c'est le fait que j'ai confié à quelqu'un dont le tempérament était, et semble-t-il, on le savait déjà avant, particulièrement explosif, des responsabilités qui le mettaient en situation justement de se livrer au dérapage qu'il a connu. C'est ça qu'on attend de la part du chef de l'État. Et que fait-il ? Il ne cesse de provoquer en disant qu'il vienne me chercher. Mais qu'il vienne me chercher, qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression précisément d'entendre Alexandre Benalla. Il nous donne la preuve par A plus B qu'ils étaient en pleine communion d'esprit. Et c'est Emmanuel Macron qui est en cause. Caractère. Ça n'est pas... communion de caractère aussi peut-être, en tout cas d'orgueil et de... Oui, enfin ou de style. De style, si vous voulez. Mais c'est ça qui est en cause. Et tant qu'Emmanuel Macron ne comprendra pas que c'est son mode de gouvernement qui est en cause. C'est comme les arguments quand on a entendu un certain nombre de responsables de La République En Marche dire « Oui, mais regardez, c'est scandaleux parce que les populistes sont en train de s'allier pour mettre La République à bas. » Mais imagine-t-on une seconde ce qu'auraient dit les mêmes si un collaborateur de Marine Le Pen, une Marine Le Pen élue présidente de La République, avait été pris en train de tabasser un manifestant place de la Contrescarpe. On aurait entendu hurler au fascisme. Donc tous ces arguments-là, la défense politique de La République En Marche et du président de la République, elle est très faible, bizarrement, et c'est là où on voit le système. La faiblesse du système Macron, il a un Premier ministre qui pourrait être efficace, dont il ne sait pas suffisamment faire usage, et puis il avait un Alexandre Benalla qui, curieusement, et même avec la communion de style dont je parlais, est plus efficace lui aussi. On va revenir évidemment sur Emmanuel Macron, puis sur tout ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée avec cette commission d'enquête qui a explosé justement avec ces oppositions qui disent que la majorité veut la torpiller. Mais un mot sur Emmanuel Macron qui nous a quand même dit qu'il, justement, dans sa tirade, venez me chercher, il n'y aura pas de fusibles, c'est pas la République des fusibles, on ne fait pas sauter comme ça. En même temps, il y a bien une victime dans cette affaire. Quelque part, non, c'est Benalla lui-même, puisqu'il a perdu son boulot dans l'histoire. Hein. Pascal Richer, Jannick Elmy. Il est quand même responsable. Alors, il nie le mot pour le moment, il n'y a pas la preuve d'un tabassage, mais peu importe, enfin, quand même, lui-même prend en charge, enfin, assume ses responsabilités. Tout le monde le dit, il y a quand même une faute, il dit lui-même qu'il y a une faute. Donc oui, mais reconnaissait que s'il n'y avait pas eu le tapage médiatique, il s'en serait sorti avec 15 jours tranquille, et puis il aurait pris son travail. Il est quand même redescendu. C'est pas la faute du réverbère, quand même. Ah non, que j'ai dit. Mais bon, écoutez. Non, mais sur la République des fusibles, il y a autre chose qui me frappe en termes de com', mais encore une fois, il me semble que c'est une erreur de communication d'Emmanuel Macron. Il dit ma République, la République des fusibles, mais il est encore une fois en train de parler de lui. Il est en train de polir sa statue. Je ne suis pas comme les autres, je suis ci, je suis ça. Mais on s'en fiche, on lui demande en l'occurrence d'assumer les conséquences des décisions qu'il a prises lui, pas de nous expliquer qu'il est meilleur que tous ses prédécesseurs, d'assumer une erreur qu'il a commise lui. Ça n'est personne d'autre que lui qui l'a commise, l'erreur en question. Mais ça, pour le coup, il l'a assumé. Alors, mais il l'a assumé en disant « Regardez, moi j'assume », ce qui est une manière de faire qui est encore une fois tout à sa gloire, mais allez, c'est le narcissisme coupe. D'Emmanuel Macron qui de toute façon le mènera à sa perte s'il ne sait pas y remédier. On y revient sur ce débat à propos de l'affaire Benalla et de Macron horizontal, ouvert. Oui, mais là depuis, je veux dire, depuis le début de la crise, on nous a dit regardez, on est prêt à tout expliquer. Bon, alors, la preuve, on met en trois jours une commission en place. Leur intérêt, c'est pas qu'elle capote. À quoi, effectivement, à quoi sert, mais c'est peut-être une à quoi erreur sert de terminer cette commission d'enquête à l'Assemblée, alors qu'il y a la commission d'enquête du Sénat qui continue. Donc, d'un point de vue médiatique, on va encore avoir des témoignages, des révélations, des rebondissements, etc. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, à part donner le spectacle d'une majorité embastillée, aux ordres, effectivement, d'Emmanuel Macron, et qui, depuis le début de cette affaire, depuis le choix de la salle, une petite salle au sous-sol, la salle 62-42, jusqu'au choix des intervenants qui vont être auditionnés, le fait de rendre certaines sessions non publiques, enfin, finalement, tout est public, mais effectivement, c'était Et puis la date de la remise du rapport, on sent que à chaque fois, ils essayent de freiner l'enquête sur cette affaire. Donc, vous diriez-vous, par exemple, Félix Romain... Peut-être moi, sur l'opposition qui est vraiment soudée derrière les oppositions qui sont coalisées, les oppositions, ouais. Voilà, qui vraiment qui dépose derrière. Je vous interromps. L'autre actualité dépose la motion de censure déposée ce soir, et qui pourrait être votée par pratiquement tous les groupes. Moi, je pense de l'opposition. Ils sont dans le game là actuellement. Ils y étaient pas depuis un an et demi parce que la communication de l'Élysée est hyper contrôlée et hyper maîtrisée et du coup voilà, il y a une faille, tout le monde C'est le retour des vieux partis dans le Je jeu sais politique. Pas, en tout cas, mais c'est le retour des chamailleries à l'Assemblée nationale, des scandales, etc. Et moi je trouve ça assez peu constructif. J'ai pas entendu de proposition en parallèle. C'est un mot connoté désormais. Et ma recommandation, ça serait attention aussi à l'opposition de pas complètement se décrédibiliser et de paraître totalement hystérique. Pour finalement, au début, on parlait quand même de barbouze, on parlait de mots très graves. Bon, plus ça avance et plus on se rend compte que finalement, il y a eu des manquements, il y a eu des fautes, mais ce n'est pas non plus une affaire. D'État, peut-être. Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico. Vous donnez quitus, vous donnez raison à ces oppositions qui disent stop, ça suffit, c'est une mascarade. Ils ont raison de jouer leur rôle d'opposition. Le rôle d'un Parlement est de contrôler, bien plus que de légiférer dans des démocraties modernes, le pouvoir exécutif. Après, sur le style, je pense qu'effectivement, il faut qu'ils fassent attention. Eux, même, il y a un danger à déposer une motion de censure, puisqu'on sait parfaitement qu'elle ne sera pas votée, puisqu'il faut une majorité de députés, que les députés de La République En Marche, évidemment, ne vont pas la voter. Qu'ils fassent leur travail d'opposition, c'est très bien. Je pense qu'ils gagnent quelque chose, et peut-être encore plus les Républicains dans l'histoire, parce que on a beaucoup opposé pendant la campagne les populistes à Emmanuel Macron, qui aurait été le dernier rempart justement contre les populistes garantissant l'existence d'une démocratie apaisée, la stabilité économique et financière. Finalement, c'est un argument qu'Emmanuel Macron a un peu perdu, parce que son style de pouvoir s'est révélé assez proche de celui qu'on aurait pu prêter à des populistes. Maintenant, je pense que l'opposition, et en particulier les Républicains, ont intérêt effectivement à faire attention. Ils doivent exercer leur travail de contrôle. Il y a une attente là-dessus. C'est un peu comme pour le chômage, pour prendre une image, si vous voulez. Les électeurs, quand les chiffres du chômage sont bons, ils considèrent que ça ne bénéficie pas aux sortants parce qu'ils ont juste fait le job. En revanche, quand les chiffres du chômage sont mauvais, là, ils vous en font... Et là, c'est un peu la même chose. Que vous fassiez votre travail d'opposition, ça paraît normal aux yeux des électeurs. En revanche, c'est pas ça qui va vous permettre de gagner. Ce qui vous permettra de gagner, c'est effectivement d'avoir une vraie proposition alternative. Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Celle du Sénat se déroule très bien. C'est des grands professionnels. C'est souvent plus calme au Sénat qu'à l'Assemblée en général. Ils ont le temps de faire leur enquête, ils sont donnés le temps, ils reçoivent ils écoutent l'opposition, ils écoutent les différents partis. Il y a beaucoup de juristes qui ont travaillé les dossiers, les questions sont très pointues. Alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est un spectacle un peu désolant. Allez, on va poursuivre ce débat et on se posera d'ailleurs la question de savoir si Benalla lui-même doit venir témoigner devant une de ces questions. Encore une fois, toi et moi, puisque l'amour s'en va. Jean Jaurès, né à Castres dans la petite bourgeoisie de province, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, Jean Jaurès enseigne de la philosophie à Albi, puis à l'université de Toulouse. Élu député opportuniste à 25 ans, il se montre vite préoccupé par les questions sociales et se rapproche des socialistes, à l'époque très divisés. Député socialiste de Carmaux, il lutte pour imposer l'unité du mouvement socialiste français. Il considère que la République est le prolongement du socialisme et non son adversaire. Il est l'un des partisans de l'unification des socialistes, qui aboutit à la naissance de la SFIO en 1905. L'année précédente, il avait créé le journal L'Humanité. Il adopte les théories du matérialisme dialectique et de la lutte des classes élaborées par Marx, mais défend un socialisme libéral et démocratique. Orateur remarquable, il se bat en sa qualité de parlementaire pour toutes les lois sociales adoptées progressivement par la Troisième République. Partisan de la recherche d'une conciliation dans les relations entre la France et l'Allemagne, et hostile à la loi portant à 3 ans le service militaire, il est très attaqué par la droite. Le 31 juillet 1914, alors qu'il tente d'enrayer l'engrenage conduisant à la guerre, il est assassiné. En 1924, le cartel des gauches décide le transfert au Panthéon des cendres de l'une des plus grandes figures du socialisme français. Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est Michel Onfray, philosophe, écrivain. Ses deux derniers livres, Penser l'islam aux éditions Grasset et Le miroir aux alouettes, principes d'athéisme social chez Plon. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous sommes au Forum d'Avignon qui lie la culture, l'économie et le numérique. Michel Onfray, vous faites partie de ce forum. Nous sommes au théâtre de Bordeaux parce que cette année il a lieu à Bordeaux. La culture est-elle un rempart contre le terrorisme ? Hélas, non. Je pense qu'il faudrait s'entendre sur le mot culture, mais il y a des cultures diverses et multiples. Il y a des cultures de haine, il y a des cultures de guerre, il y a des cultures, hélas, antisémites. Adolf Hitler était un grand lecteur, et grand insomniaque. Il ne passait pas une nuit sans avoir lu un livre, nous dit Yann Kershaw, son biographe. Donc le livre n'est pas un rempart, la culture n'est pas un rempart, et même parfois le livre est un accélérateur, et la culture peut-être aussi un accélérateur de barbarie. Donc il faut éviter l'irénisme. Et pas un accélérateur de sagesse, jamais. Ça dépend des livres. C'est-à-dire que quand on dit le livre, la culture, on parle dans le vague, et il faut faire très attention. Goebbels était docteur en philologie, il avait fait une thèse sur un auteur du romantisme allemand, donc... La culture n'est pas une garantie absolue du genre je suis cultivé, je fais partie de l'élite cultivée et intellectuelle, donc je suis loin de tout ça. C'est l'usage qu'on en fait alors. Non, ça dépend des idées. Regardez les intellectuels du XXe siècle, ils ont souvent choisi le parti du mal. Enfin, il y a eu un nombre incroyable de marxistes-léninistes, de maoïstes, de gens qui se sont engagés dans la collaboration, de vichistes, de pétinistes, et c'était des gens haut de gamme, des intellectuels de valeur, et ni leur intelligence, ni leur culture, ni leur savoir ne les ont dispensés d'épouser des causes barbares. Il pourrait y avoir une politique culturelle républicaine ? Et c'est pas qu'il pourrait, c'est qu'il devrait y en avoir une, et que ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une politique libérale de la culture. C'est l'argent qui fait la loi aujourd'hui, c'est le marché qui fait la loi en matière de culture, en matière de livres, je le vois bien. Les livres qui sont en tête des ventes la plupart du temps n'ont pas été écrits par leurs auteurs, parfois même pas lus par leurs auteurs. Ce sont des livres d'hommes politiques, de footballeurs, de gens de médias, de comédiens, d'artistes, et on sait très bien que ce sont des nègres qui font le travail pour eux. Donc là aussi, il faut être lucide. On fait aujourd'hui des livres parce que ce sont des produits culturels comme les autres, et je pense que peu d'éditeurs, sauf peut-être les petits qui prennent des risques, sont capables d'éditer de la littérature ou des livres parce qu'ils croient aux livres. Alors ce qui est vrai, c'est que la culture, finalement, l'accès à la culture est très inégalitaire en France, hein, toujours très inégalitaire. Alors vous avez créé cette université populaire à Caen. Quelles leçons peut-on en tirer, justement ? Moi, je fais mon travail de colibri, pour utiliser l'expression des sages de la forêt amazonienne. Je ne peux pas tout faire. C'est-à-dire qu'en 2002, j'ai créé l'Université Populaire pour lutter contre les idées du Front National. On m'a dit, vous avez vu, depuis, le Front National est passé à 30%. Je dis, oui, mais vous avez fait quoi, vous ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Moi, j'ai fait ça. Donc, Vous pensez que ça peut lutter contre le Front National, en tout cas, ce type d'enseignement ? Oui, on a créé un tas d'enseignements pour éviter que les idées du Front National ne se propagent. Par exemple, le Front National pense que l'art contemporain est un art dégénéré d'une certaine manière. On a créé un séminaire d'art contemporain pour expliquer ce qu'est l'art contemporain. Il y a un séminaire sur Penser l'islam qui est une occasion d'aborder le texte sans être islamophile, sans être islamophobe, mais simplement en lisant ce qui est dit et en analysant les textes, les sourates, les hadiths du prophète, voire la biographie, plus d'autres choses. On a fait un atelier de philosophie pour enfants, on a fait un séminaire féministe, etc. Donc on a pu faire, et on fait toujours, hein, ça existe toujours, ce qu'il fallait nous de notre côté, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas lutter contre les grands médias qui mettent 5, 6, 7 millions de téléspectateurs devant le petit écran avec des émissions qui les abrutissent. Alors dans votre livre, Le miroir aux alouettes, vous décrivez le coiffeur du village de votre enfance qui fut un résistant, un vrai, vous dites. Vous évoquez vos 22 ans, le plus bel âge de la vie, écrivez-vous, une période où la gauche était la gauche, la droite était la droite. Vous évoquez le couple d'instituteurs, Émile et sa femme, un couple généreux, votre gauche, Michel Onfray. Alors êtes-vous nostalgique ? Oui, évidemment, je suis nostalgique de cette gauche-là, parce que c'était une vraie gauche qui avait le sens du peuple, du partage, de la solidarité, de la fraternité. C'était la gauche qui s'inscrivait dans l'histoire. C'était la gauche du Front Populaire, c'était la gauche des acquis sociaux, c'était la gauche des congés payés. Et pour moi, ça reste la gauche, simplement. C'est plus la gauche libérale qui est au pouvoir. Et la gauche institutionnelle se distingue assez peu de la droite libérale. Je suis d'une autre gauche, qui est une gauche libertaire, dont on parle assez peu, et dont la gauche officielle dit qu'elle n'est évidemment pas une gauche. Mais à quoi ça sert la nostalgie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes quand on parle de nostalgie ? Ben on peut leur dire, parce que moi je les entends, on peut leur dire qu'ils ont raison d'être désespérés par la clique politicienne, qu'ils ont raison de dire que la droite et la gauche c'est la même chose, parce que quand on entend Macron à gauche ou Kosciusko-Morizet à droite, on se demande vraiment ce qui les distingue. Ils ne comprennent pas pourquoi. Donc vous les approuvez s'ils sont défaitistes finalement, ces jeunes? Non, ils ne sont pas défaitistes, ils sont réalistes. Mais on ne peut pas leur dire que c'était mieux avant si. Juste leur dire qu'avant il y avait une gauche qui était de gauche, une droite qui était de droite, et que si la gauche redevenait de gauche et la droite de droite, ce serait nettement plus simple. Alors les temps ont changé tout de même, Michel Onfray, parce que c'est vrai que lorsqu'on vous lit, votre plus grand ennemi finalement c'est le libéralisme. Pour vous, droite et gauche, vous venez de le dire, sont devenus libéraux. Ce libéralisme a tout de même sorti de la très grande pauvreté 700 millions de gens dans le monde sur les 20 dernières années. Donc il y a eu un accroissement des inégalités certes, mais il y a eu aussi un enrichissement de beaucoup de monde, une classe moyenne qui a émergé en Chine, dans les pays d'Asie. Donc pourquoi est-ce que la gauche ne va pas, je dirais, en limiter les excès, mais sans pour autant dire que c'est Satan, ce libéralisme? Ce que vous dites, finalement. Alors, j'entends bien que vous défendiez ces idées-là avec la caricature qu'on associe habituellement à ceux qui ne sont pas d'accord avec le libéralisme. C'est pas aussi caricatural que ça. Je dis que quand le marché fait la loi, effectivement, c'est quand même pas extraordinaire. Quand vous avez le patron de PSA qui gagne 15 000 euros par jour, pendant qu'un ouvrier est augmenté de 8 euros par mois, je dis effectivement, le libéralisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'argent qui fait la loi. Et si vous me dites, voilà, on prend le salaire du patron de Renault, et puis on prend le salaire de Peugeot, puis on prend le salaire de l'ouvrier dans l'usine, on fait un total, on divise par deux et on parle d'un salaire moyen, effectivement, à ce moment-là, vous pourrez dire que le libéralisme a sorti beaucoup de gens de l'ornière. Le libéralisme, il a paupérisé. En tout cas, dans les pays émergents, nombreux pays émergents ont émergé parce qu'il y a eu des lois d'économie de marché. Pas du tout. Il a simplement rendu plus riches les gens qui étaient riches, le libéralisme. Ah, bon. Et quand vous travaillez sur les chiffres... Il y a une vraie classe moyenne qui a émergé dans ces pays. Il y a peut-être une classe moyenne qui a émergé. Moi, je pense que c'est plutôt une classe riche qui s'est enrichi plus encore, une classe pauvre qui s'est plus encore appauvrie. Il y a eu un accroissement des inégalités. Non, je ne crois pas qu'on puisse mesurer les choses avec le frigidaire qui rentre dans une maison en disant que le progrès est arrivé puisque l'instituteur qui n'avait pas son frigidaire a maintenant son instituteur et que le libéralisme est une grande et belle chose. C'est pas suffisant. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, c'est ce que je dis moi, parce qu'effectivement c'est ce qu'on nous fait savoir en nous disant que le libéralisme est facteur de progrès. Il suffit juste d'allumer sa télévision et de regarder des reportages sur tous les pays du monde et on verra bien qu'effectivement le libéralisme a augmenté le pouvoir d'achat de la totalité des gens sur la planète. On sait bien que c'est faux, le libéralisme. Pas de la totalité, mais en tout cas... Des pays émergents, mais donnez-moi les noms et vous verrez que le principe du libéralisme, en ce sens, je reste marxiste, je suis, du moins, je crois que le principe du libéralisme, c'est la paupérisation. C'est des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, et des riches de moins en moins nombreux. Ce n'est pas du tout ce que montrent les modèles économiques, mais bon. Les modèles économiques libéraux, oui, ça c'est sûr, vous avez raison, ça n'est pas ce que le modèle économique libéral montre. Votre livre, Penser l'islam, Michel Onfray. Alors vous dites que la France a bombardé des populations musulmanes d'Afghanistan, d'Irak, de Libye, du Mali, sous prétexte de lutter contre le terrorisme qui, avant les bombardements, ne nous menaçait pas directement. Alors est-ce que cet argument ne dédouane-t-il pas finalement les terroristes? Ça, c'est également ce qu'on dit quand on est un libéral et qu'on a envie de justifier les guerres un peu partout sur la planète, parce que la vente d'armes est quand même extrêmement juteuse pour tous les libéraux. Tous les marchands d'armes qui sont aussi des propriétaires de journaux, qui sont aussi des propriétaires de médias, ont intérêt à ce que la guerre existe. Moi, je dis simplement que depuis 1991, date à laquelle George Bush a décidé effectivement de bombarder un certain nombre de pays, qui étaient des pays amis en France, puisqu'on a reçu à l'Elysée, à Matignon, en grande pompe, Bachar el-Assad, on a reçu Kadhafi, on a reçu Saddam Hussein, qui finançait même des campagnes. Même si l'organisation de l'État islamique a une stratégie propre aussi qui est aujourd'hui de viser l'Europe, donc pas seulement Paris d'ailleurs, à Bruxelles. J'étais en train de vous expliquer que vous me posiez une question, j'essayais de répondre à votre question en vous disant que ces gens dont on nous a dit qu'ils étaient nos ennemis, ils étaient nos amis. C'est facile de regarder sur Internet, tous les chefs d'État ont serré les mains de ces gens-là, les ont même invités dans des cérémonies extrêmement officielles. Puis du jour au lendemain, on nous dit que ce sont nos ennemis. J'aimerais bien comprendre pourquoi et pourquoi ils menacent la France. Et effectivement, maintenant ils menacent la France parce que d'abord on a détruit ces pays, on a supprimer ces dictateurs. Et puis, on a tué 4 millions de musulmans sur la planète depuis 1991 avec ces guerres-là. Donc j'estime effectivement que 4 millions de morts, ça n'est pas rien. Je ne dis pas pour autant qu'il faut dédouaner les terroristes. Je dis simplement que si on fait son travail de philosophe et pas le travail de morale moralisatrice qu'on fait souvent dans les médias, c'est bien, c'est pas bien, le camp du bien, le camp du mal, et qu'on fait un peu de généalogie, on se dit inscrivons tout ça dans la perspective géostratégique planétaire depuis au moins 1991, et ça permet d'expliquer, ça permet de comprendre. Sûrement pas de pardonner, sûrement pas de donner une bénédiction ou une malédiction en disant c'est bien, c'est pas bien, mais juste comprendre pourquoi les choses ont lieu. Alors dans votre livre, vous évoquez également le Coran. Vous dites qu'il y a des sourates qui légitiment les actions violentes et d'autres qui, au contraire, invitent à l'amour et à la miséricorde. Et finalement, il faudrait revoir, d'après vous, la loi de 1905 sur le financement des cultes. Oui. Oui, parce que c'est exactement la même chose avec le Talmud et avec la Bible. C'est-à-dire, vous avez toujours un endroit dans la Bible qui va justifier le crime, et puis un endroit dans la Bible qui ne le justifiera pas. Si vous prenez le « tu ne tueras point », ça va mal, par exemple, avec le « extermine les tous » quand il s'agit des Cananéens, par exemple, dans l'Ancien Testament, ou la même chose avec Jésus, qui est un Jésus de paix, de tolérance et d'amour, qui est capable de chasser les marchands du Temple violemment, avec un fouet, en sachant qu'en plus de ça, les marchands du Temple sont juifs. Donc, suivant que vous allez chercher telle sourate ou telle autre, vous allez pouvoir construire tel ou tel islam. Donc un islamophile dira, il n'y a que des sourates de paix, de tolérance et d'amour. Je ne suis pas islamophile. Un islamophobe dira, il n'y a que des sourates agressives. Je ne suis pas islamophobe. Je dis juste, il y a les deux. Il y a les deux. Et il faut composer avec ça et trouver effectivement des imams qui soient capables de mettre en avant les sourates de paix, de tolérance et d'amour. Et à partir de ça, on peut effectivement fabriquer un islam qui sera républicain. Et l'État français devrait financer ce type de culte, en l'occurrence. Alors après, la loi 1905, elle est de 1905, la chose est dite, hein, de séparation des églises et de l'État. C'est une loi qui est faite alors que le christianisme est dominant et l'islam inexistant. Actuellement, effectivement, il y a une séparation des églises et de l'État, mais il y a une communauté musulmane qui est devenue extrêmement importante par rapport à ce qu'elle était en 1905. Donc, où on ne finance pas, auquel cas ce sera financé par des pays étrangers qui, eux, auront un droit de regard sur l'islam français, où on finance en disant il y a de l'argent pour effectivement financer l'islam, pourvu qu'il soit républicain, avec des imams qui soient eux aussi républicains. Merci, Michel Onfray. C'est moi qui vous... Заводила про степного сизого орла, брата Бога, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud pour l'explication de vote du groupe France Insoumise. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, cette motion de censure intervient dans un contexte particulièrement grave. L'affaire qui nous occupe n'est pas un fait divers, mais un véritable scandale d'État. Des hommes de main du Président de la République frappent des opposants, s'arrogent des pouvoirs de police qu'ils n'ont pas, dans un contexte de forte contestation sociale de l'action du gouvernement. Ils ont joui d'une impunité quasiment totale jusqu'au moment où la presse a relayé les faits et la justice a commencé à traiter la partie judiciaire de l'affaire. Mais il revient à la représentation nationale de traiter la partie politique et la responsabilité politique du gouvernement. Car il a fallu de très longues journées pour que tous prennent la mesure de ce qui s'est passé. Ce scandale a fait éclater une crise institutionnelle majeure, levant le voile sur ce qui fonde la Ve République. La monarchie présidentielle rend irresponsable le chef de l'État et tous les échelons du pouvoir qu'il protège. Le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, a dû subir l'humiliation de constater son incapacité à remplir correctement sa mission de contrôle de l'action de l'exécutif. Après de longues heures, les demandes répétées des groupes d'opposition en invoquant l'article 50-1 de la Constitution, la demande du président de l'Assemblée nationale lui-même, nous avons été incapables de convoquer un ministre pour qu'il vienne s'expliquer de cette affaire, bien que la responsabilité politique du gouvernement ait été engagée. Oui, mes chers collègues, nous avons subi une véritable humiliation institutionnelle et déposé une motion de censure est le seul moyen de contraindre le gouvernement à venir s'expliquer. Comment contrôler quand, alors que des faits aussi graves se sont produits, le gouvernement pouvait vaquer à ses occupations plutôt que de répondre à l'injonction des représentants du peuple? Cette faiblesse révélée au grand public est une menace grave pour la démocratie. Le projet de révision constitutionnelle en débat allait encore renforcer le pouvoir de l'exécutif en diminuant ceux du Parlement. La révision constitutionnelle a été heureusement suspendue. Rien n'a pu ôter le doute que le président de la République, au nom duquel la révision était débattue, n'était pas en train de se confectionner un pouvoir encore plus grand, dans l'impunité totale de ses actions et dans la volonté de ne rendre de compte à personne. Car il y a eu un mensonge d'État et la commission d'enquête sabotée a commencé à le montrer et la presse le confirme régulièrement, aujourd'hui encore. Tout a été fait pour faire obstruction à la vérité. L'impunité semble ruisseler depuis l'Élysée. Plus grave encore, le bon fonctionnement de l'État de droit est menacé. L'usurpation des insignes de la police sème le doute sur les agents de l'État. Car comment ne pas douter maintenant que celui qui arbore un brassard police est bel et bien un fonctionnaire? Par là, c'est la sûreté même de l'État qui a été menacée. Parce que la confiance des personnes dans les institutions est gravement endommagée, c'est donc la capacité de l'État à remplir ses missions régaliennes qui est entamée. La loi doit être la même pour tous, pour que chacun y consente. Nul ne doit être au-dessus de la loi, pas même le monarque républicain. Pourtant, nous ne pouvons pas aller chercher le président, mais nous pouvons censurer le gouvernement. Quelle raison aurions-nous de ne pas voter une motion venant du groupe Les Républicains, alors même que nous en déposons une sur le même sujet? Aucune. Quand la République est en danger, il faut savoir agir. Nous avons été les premiers à suggérer cette motion par la voix de notre président de groupe. Nous sommes heureux de constater que de nombreux groupes ont depuis rejoint notre analyse. Car après un an de législature, les hésitations n'existent plus. Il y a une majorité et des oppositions. Nous voulons le respect de l'État de droit. Elle cautionne un gouvernement qui défend un clan. Nous voulons que la lumière soit faite. Elle veut enterrer l'affaire. Nous voulons que soit rétabli l'ordre républicain. Elle veut régler l'affaire en interne et continuer à cautionner de nouvelles dérives autoritaires. Nous voulons le respect des fonctions de chacun. Elle veut la confusion et le désordre. Nous voulons la République. Elle veut l'oligarchie. Nous voulons l'harmonie. Elle veut la compétition sauvage. Nous voulons l'État de droit. Elle veut l'État des passe-droits. Nous voulons l'intérêt général. Elle veut préserver les intérêts particuliers. Nous devons en finir avec la Ve République et aujourd'hui, nous votons la motion de censure. Je veux donc parler des grands principes qui peuvent régir la vie politique en commun dans une grande nation démocratique. Et d'abord, pour cela, je me réjouis de vous voir à votre banc où nous vous espérons depuis bientôt presque 15 jours, monsieur le Premier ministre. Car même en régime présidentiel, le Parlement continue à ressembler le peuple souverain. Et vous lui deviez des comptes dès le premier jour. Mais vous y avez manqué. Vous nous avez préféré le Tour de France. Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu. Vous êtes là parce que vous y êtes contraint. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la censure pour vous obliger à venir assumer devant nous vos responsabilités. Pourtant, vous étiez bien moins contrit, monsieur le Premier ministre, sur le deuxième rang qui était le vôtre.

dans des termes différents. Elles ont été repoussées par la majorité. À cette heure encore, c'est un sujet pour nous d'étonnement. Quoique, le déroulement de ce qui vient de se passer aujourd'hui nous montre qu'il y avait peut-être tellement anguille sous roche que personne ne voulait trop qu'on éclaire la situation. Je viens à la journée d'aujourd'hui. Le déroulement de cette journée a changé la nature des événements auxquels nous sommes confrontés. Ce matin, cette nuit plutôt, précédente, nous avions une vidéo. Ce midi, nous avions un quotidien, un grand quotidien, qui affichait une situation. Au cours de la journée, il a été décidé d'abord d'une inspection de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale, à la demande du ministre de l'Intérieur. La présidence de la République a informé qu'il y aurait une sanction qu'il considère comme très importante et nous comme très légère contre la personne qui était visée. Et enfin, l'Assemblée nationale, par un acte dont l'importance ne doit pas lui échapper, vient de décider l'ouverture, séance tenante, à partir de la commission des lois, d'une enquête. Je pense que tous les collègues doivent savoir que cette solution ne s'imposait pas. Le président de l'Assemblée a rappelé qu'elle était tout à fait extraordinaire. Et c'est donc une décision qui change le sens des événements qui se sont produits et du regard que nous portons sur elle. C'est donc une décision dont nous considérons que par elle-même, elle ouvre un moment nouveau. Et par conséquent, tout en sachant très bien que ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du groupe majoritaire, ni les présidents qui sont leurs alliés n'y peuvent rien, il est tout à fait extraordinaire qu'aucun ministre ne veuille venir se présenter devant l'Assemblée nationale pour répondre. Aucun. Si le Premier ministre, ça vous paraît disproportionné et marquer une importance que vous ne voulez pas donner à la situation, soit, mais qu'au moins le ministre de l'Intérieur vienne. Il s'agit de la police. C'est lui-même qui déclenche une enquête. Les faits sont là qui montrent que des individus, utilisant des uniformes de police ou quelques attributs, infiltrent leur rang, communiquent, donnent des ordres par talkie-walkie, il ne se passe rien. Et l'Assemblée regarde le président, tout le monde connaît nos rapports détestables, par conséquent, cet instant où je lui rends cet hommage, je dois au moins vous marquer, le président n'en peut rien et passe son après-midi à porter une croix qui n'est pas la sienne. L'Assemblée nationale doit donc insister, et j'en adresse la demande formelle au président de l'Assemblée, président de l'Assemblée, et pas seulement de sa majorité, de dire au gouvernement que la décence démocratique impose qu'un ministre vienne répondre, et précisément quand on est en train de discuter des droits du Parlement. Je ne crois pas qu'il y ait une démocratie au monde où un événement d'une telle nature ayant lieu, étant reconnu par les déclarations du président de la République qui sanctionne son conseiller, reconnu par un ministre de l'Intérieur qui déclenche une enquête et où aucun ministre ne vient s'expliquer devant le Parlement qui précisément est en train de discuter de l'élargissement, paraît-il, des droits du Parlement. Dans ces conditions, et après avoir bien examiné cette situation, notre idée est que si aucun ministre ne veut venir, ni ce soir, ni demain, alors notre responsabilité de parlementaire, de député de la nation est engagée. Nous proposons à nos collègues des autres groupes, quels qu'ils soient, de déposer ensemble une motion de censure qui obligerait le gouvernement à venir s'expliquer devant la représentation nationale et à rendre des comptes sur l'ensemble de ces événements dont je viens de résumer en quelques mots la portée qui dorénavant devient un problème politique majeur. Que s'est-il passé le 1er mai et que se passe-t-il en ce moment à l'Élysée ? Je demande à l'exécutif de surmonter le désarroi et peut-être la panique qui l'anime à cette heure. Nous avons trouvé au moins deux personnes qui n'ont rien à voir avec la police nationale, qui rentrent dans ses rangs, y donnent des consignes et participent à des interpellations. J'ai dit que peut-être il y en avait une troisième. Cela signifie qu'il y a donc une organisation de sécurité à l'Élysée qui n'est pas celle des services officiels. Qui sont ces gens ? Comment agissent-ils ? Comment sont-ils coordonnés ? Et qu'en pense le chef de l'État ? Tout cela suffirait à justifier la motion de censure que je vous propose, mes chers collègues, de rédiger avec nous, quel que soit votre groupe, je le répète, parce qu'il y va de valeurs et de principes qui me paraissent aller au-delà de nos divisions politiques. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans.

alors que durant la manifestation du 1er mai, l'un de ses plus proches collaborateurs revêtus des insignes policiers a frappé des manifestants, le président de la République n'a ni licencié ce collaborateur, ni saisi la justice des faits incriminés. Bien au contraire, il l'a protégé, mettant en application ce précepte bien connu, on déjoue beaucoup de choses en feignant de ne pas voir. Et quand l'affaire a été révélée, il a répondu après plusieurs jours de silence avec des mots dont l'insolence rivalisait avec la vulgarité. La réalité, c'est que ce scandale met en lumière des conseillers occultes, une officine parallèle au détriment de personnels sous statut, des privilèges et des passe-droits, un système d'impunité, mais aussi des mensonges et la violation d'une obligation pénale. Autant de manquements graves qui affaiblissent l'institution républicaine, nourrit la défiance de nos citoyens à l'endroit de leurs dirigeants et amplifie la crise démocratique du régime de la Ve République. La crédibilité de la parole présidentielle en est largement entachée. Quant à l'image de la France, elle est ternie à l'international. La scène où le collaborateur d'Emmanuel Macron malmêle des manifestants et choquante, estime le Washington Post. Pour le quotidien espagnol El Mundo, le nom d'Alexandre Benalla ternira à jamais le mandat du président. En Italie, le Repubblica souligne que le scandale Benalla révèle les faiblesses de sa fulgurante ascension vers le pouvoir, ce hold-up du siècle mené avec un groupe d'aventuriers. Mais au-delà de l'affaire en elle-même, ce qui apparaît stupéfiant, c'est la gestion de la communication d'Élysée et le long silence de l'exécutif. Pour les diables allemands, l'image du président a été écornée. Il était vraiment vu comme le président jeune, dynamique, qui réussit, mais qui a aussi promis d'attirer plus rechargeable et plus transparent. Pour le groupe GDR et les députés communistes, ce scandale révèle surtout les dérives que produit un régime hyper-présidentialiste. Ce n'est pas une simple petite affaire policière. Ce n'est pas le comportement isolé d'un seul homme ou de quelques cabinets noirs qui sont en cause aujourd'hui. Bien au-delà d'une simple affaire d'été, pour reprendre les propos d'Alexandre Benalla, c'est précisément l'ultra-concentration des pouvoirs aux mains d'un monarque élu qui s'appelle le principe même de séparation des pouvoirs. C'est le présidentialisme inscrit dans la Constitution de la Ve République qui, une fois de plus, affaiblit l'état de droit, donnant raison à Montesquieu quand il écrivait « Tout pouvoir sans borne ne saurait être légitime ». Un président tout-puissant a pu ainsi s'octroyer le droit de concéder d'extraordinaires prérogatives à un homme de confiance, puis considérer ensuite lui-même qu'il n'avait aucun compte à rendre ni à la justice, ni à la représentation nationale, ni même au peuple. C'est seulement en effet la révélation des vidéos qui a permis la mise en examen du principal acteur et de trois policiers pour leur avoir transmis des images de vidéosurveillance. Découvrant l'affaire en plein examen du projet de réforme constitutionnelle, l'ensemble des députés de l'opposition ont légitimement exigé des explications de la part du gouvernement et réitéré la demande de commission d'enquête parlementaire sur les événements du 1er mai. Demande de commission d'enquête que le groupe GDR avait quant à lui formulé dès le 3 mai pour faire la lumière sur les causes et réalités des violences inadmissibles dans lesquelles s'est déroulé le défilé. La majorité parlementaire, murée dans le silence, s'est d'abord empressée de rejeter ses demandes. Et si elle a finalement cédé, c'est sous la pression et la détermination de l'ensemble des groupes d'opposition. Mais les travaux de la commission d'enquête de notre Assemblée, chargée de faire la lumière sur les graves dysfonctionnements de l'État entourant cette affaire, n'auront été qu'un feu de paille, s'achevant dans l'indignité après l'audition de seulement 6 personnes. Entravée dans l'exercice de ses missions par le co-rapporteur, président de la commission des lois et les députés du groupe En Marche, la commission d'enquête ne permettait plus la manifestation de la vérité. Ainsi avons-nous été contraints, comme d'autres, de suspendre la participation de notre groupe à cette mascarade. Quelle erreur que votre posture, chers collègues de la majorité. Ce qu'il y a de terrible dans votre refus de faire émerger la vérité, c'est qu'il fait de vous de simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne. En réduisant votre fonction à une appartenance suprême pour en faire un petit instrument de guerre parlementaire, vous croyez marcher vers votre salut, mais vous courez vers votre servitude. D'autant plus que votre posture est contre-productive et se retournera contre ceux qui vous l'ont dictée. Méditez avec René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Bien au contraire, chers collègues, votre soumission aveugle vous éloigne de toute lumière, vous avez ouvert une plaie qui ne se refermera pas. Dans toute sa violence, le fait majoritaire atteste une fois de plus de la faiblesse des droits de l'opposition dans cette Assemblée. Au-delà de ce mépris patent pour la représentation nationale, les dysfonctionnements graves de nos institutions révélés par l'affaire Macron-Benalla soulignent la menace que fait peser cette dérive autocratique sur l'état de droit. L'esprit clanique qui anime le sommet de l'État est contraire aux exigences de la culture républicaine. Il conduit l'exécutif à oublier ce que formulait si bien Roger Caillois : tout pouvoir vient d'une discipline et se corrompt dès qu'on en néglige les contraintes. Ces circonstances exceptionnelles mettent en exergue combien la teneur du projet de réforme constitutionnelle défendu par la majorité n'est pas à la hauteur de la crise de régime qui traverse la Ve République. Le nouveau lifting constitutionnel imaginé par le président de la République et porté par votre gouvernement est voué à consacrer la conjugaison d'un pouvoir présidentiel renforcé et d'une technocrature de hauts fonctionnaires. Avec un objectif, chers collègues, que la décision politique échappe aux parlementaires considérés comme un fardeau. Dès lors, dans ces conditions, il convient plus que jamais de mettre fin à la discussion parlementaire de cette réforme. Preuve est désormais faite qu'il faut réécrire complètement la Constitution, écrire à des milliers de voix la Constitution du VIe République. Si malgré cette nécessité impérieuse et évidente, vous imposez que la réforme poursuive son parcours législatif, ayez au moins le courage de porter le débat devant les Françaises et les Français, le courage de faire prendre la décision par le peuple, le courage d'aller jusqu'au référendum. La crise que nous vivons engage la responsabilité du gouvernement, mais aussi celle du président de la République, qui a déclaré qu'il était le seul responsable dans l'affaire dite Benalla. Un aveu de responsabilité qui n'est pas sans conséquence. Certes, la Constitution de la Ve République est particulièrement protectrice, et il le sait à son égard, puisque selon l'article 67 de la Constitution, je cite, « le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ». Une responsabilité de principe qui ne saurait omettre l'hypothèse évoquée par l'article 68, lequel prévoit, je cite, « le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, la destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour ». Dès lors, si les diverses enquêtes ouvertes devaient montrer que les actes commis par Emmanuel Macron constituent un manquement à ses devoirs manifestement incompatibles à l'exercice de son mandat, il appartiendrait alors à la représentation nationale de s'interroger quant à l'opportunité d'enclencher cette procédure d'institution, le fait notamment de ne pas avoir directement ou indirectement demandé à saisir le procureur de la République, comme l'y obligeait l'article 40 du Code de procédure pénale, pourrait fonder ce manquement. Bien évidemment, la responsabilité directe du président de la République dans l'affaire Benalla ne saurait nous faire oublier la responsabilité du gouvernement dans la politique menée depuis le début de la législature. Une politique sociale d'une violence inouïe à l'encontre des salariés, des personnes privées d'emploi, des retraités, des jeunes. Toutes les réformes menées par ce gouvernement depuis un an l'attestent et font pour les députés communistes que nous avons mille et une raisons de censurer ce gouvernement. Tout d'abord, la série d'agressions subies par le monde du travail, de celui qui assume son titre de président des riches, tout en accolant le nom de réforme à des mesures qui en réalité ne se justifient que par des considérations idéologiques d'essence purement néolibéral. Que d'actes brutaux pour remettre en cause les protections des salariés et augmenter la CSG pour les retraités. Que de cadeaux au premier de cordée avec la première loi de finances. Enfin, après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, le président de la République nous a expliqué que le système de solidarité hérité du Conseil national de la Résistance coûtait un pognon de dingue. La réalité, c'est que la majorité au pouvoir mène la politique économique et sociale rêvée par les 500 plus grandes fortunes de France. Et ces malheureux en veulent toujours plus. Ils en sont dingues. Ils sont dingue d'avoir seulement multiplié par deux leur pognon en 10 ans. Cette politique, aussi amorale qu'inefficace, aggrave considérablement les inégalités économiques, sociales, territoriales. Des personnels hospitaliers aux enseignants, en passant par les cheminots, les salariés de l'industrie ou de la grande distribution, le malaise se généralise dans le monde du travail. La colère grandit face à une politique de privilèges pour les privilégiés, une politique antisociale, violemment antisocial, fondé sur un modèle de société qui veut normaliser la précarité, détruire notre protection sociale et nos services publics. C'est une politique inefficace et socialement désastreuse, une politique calamiteuse, une politique que nous censurons. C'est pour atteindre plus facilement, plus rapidement cet objectif que voulait mettre à bas les valeurs républicaines qui garantissent les droits de chacun. C'est pour cela que vous supprimez, que vous voulez supprimer les contre-pouvoirs. Au regard de cette politique du pire, au regard de la crise politique qui affecte le bon fonctionnement des institutions, au regard des dysfonctionnements au sein des services qui relèvent de la tutelle du ministère de l'Intérieur, au regard de l'incapacité de notre commission d'enquête parlementaire à assurer sa mission du fait de la stratégie d'obstruction de la majorité répondant aux consignes de l'exécutif. Les députés communistes et le groupe GDR vous appellent à censurer le gouvernement. Une censure au nom des Français attachés au principe d'égalité devant la loi, au respect des principes de séparation des pouvoirs et de transparence des pouvoirs. Chers collègues, sur quelques bancs que vous siégez, je vous invite à ouvrir les yeux, à ne pas vous laisser enfermer dans des certitudes que l'exécutif veut imposer. Chers collègues de la majorité, vous vous étiez voués à refaire le monde. La priorité est autre aujourd'hui, faire que notre démocratie ne se défasse pas. Soyons dignes des citoyens que nous représentons. Soyons dignes. Faisons en sorte qu'ils ne soient pas de simples spectateurs. Soyons dignes en portant aujourd'hui leurs aspirations, leurs besoins de justice. Assumons les responsabilités qui sont celles de la représentation nationale. Censurons ce gouvernement. Et je terminerai en disant que j'ai une pensée pour Jean Jaurès, qui est mort un 31 juillet. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes.